Exercice 7, page 23. A. Tulipe, rose, jonquille, muguet, œillet, lilas. B. Maison, immeuble, chalet, hôtel, appartement, château. C. Printemps, été, automne, hiver, mois, année. D. Lit, chaise, table, fauteuil, lampe, four.